broyer les os. Fils, fils de cœur. J'ai plongé la tête la première et quitte à me noyer, je fais le mort. Si mon cœur s'arrête, je ferai la joie des faux, la peur ça aide, alors laissez-moi être putain de chien pour aboyer mordre. Le bide noué, même parfois la gorge, traîne à droite à gauche. À défaut des mâchoires, des poings, je me pète la voix d'abord. Brisez le cœur, visez-le, envoyez-les comme. Je m'en bats les couilles, personne sait vraiment ce que la foi m'apporte. Énigmatique ma vie, faites que du récit tragique. Brise le cœur, j'ai pas le cœur à la fête, n'est-il pas si fragile? Comme demande pas choisir entre la lune, la croix, la corde. De loin, je préfère avoir la mort bête, une péricardie classique. J'envoie la gomme, des années plus tard, il me voit la fort. Tous les soirs à fond, le frère, sache que le mérite n'arrive qu'à celui qui tient debout malgré tout et se bat, quelle que soit la forme. Qui t'a tout sacrifié pour une véritable vie d'artiste. Si tu me vois tort, bien du goulot, canalise le cum. Si tu me vois tort, tiens du boulot, canal, vise le cœur. Si y'a mon pif, dans la poudre, mon bif, dans un casino partout, j'kiffe. Sur mes pains de long riff, sniff et quasiment partout. Si la rage pas tôt, j'ai déjà dans mon crâne. Si mes mensonges, j'aimerais partager, mais j'attends mon crack. Si je reparte et me noyer, la refaire au douanier. Que ma fille me croyait m'éloigner, la te faire au poignet. Si au choix c'est la merde ou son sacré sachet. Si tu me vois traîner la grand-mère pour son sacré sachet. Shit, un bolachi de barre de foire. Oui, un chic type, mais le fera-t-il quand faudra tirer barre de foire. Pac, pac, si je m'en vais voter la marine, donc et trois gamés. Si je me refais sauter la narine, coquet trois gamés. Qu'en pensez-vous, c'est quoi, c'est flou, ce gris m'arrive mes choux. Oublie tous mes joues, dis-toi, c'est fou ce qui m'arrive et choux. Faudrait que le gosse percé, fiston, si je replonge. Si je quitte la maison, si je peux plus te bercer. Je peux pas m'excuser ou espérer passer l'éponge. Mon âme est cendre et je pourrais bientôt plus me baisser. Si je m'agenouille, promets-moi de viser la poitrine. J'aime pas la poterie, dis à maman, je reviendrai pas. La tache rouge m'éloigne, enlisez mon poitrip. La porte crise comme un diamant, le chien trépasse. Tic tac, je vais pas causer si je bois l'après-midi. Vise, n'est-ce pas la haine, m'imposer son diktat. Navré, n'est-ce pas la poudre, charger ma valise. Rentrer d'Espagne, parler ou ravaler ma salive. Si tu m'entends pourrir des frères de la même trempe. Attends, un œil mes fers, respire si ta main tremble. Cible, si le rap de pute me charme, si j'échoue. N'hésite pas si tu me rates, recharge et chou. À l'heure où le rap se perd et vise d'abord les ventitunes. J'tape dans l'ombre mais si je m'égare, vise la horte ventricule. Pas de pardon possible, il reste à voir. Garde tes sentiments, sache que mon cœur lui reste avare. J'ai vu de mes yeux, fou comme Stèze, le ventre vide. Certaines choses te marquent à vie, tout comme un 13 ce vendredi. Vise le cœur, non plus l'attente. J'ai pris du plomb dans la tête, c'est pour tous ceux qui dans l'attente ont perdu le but de la quête. J'gratte pas 6 000 îles, j'débarque égare aux similitudes. J'rappe pas si j'milite, le pavé gâche qu'un similitude. Vas-y, tire, j'rêve d'un trou en pleine poitrine. J'les vois gravir les sommets tandis que mes roues en pleine patine. Si j'dérive ou bave sur mes gars, n'hésite pas tant. Tout comme si j'délire ou parle de ces dieux que ces cibles attendent. Si je déprime, si je dérape, si le mal m'enivre. Si je dévie, si je divague, cible là dans le mille.